Ok, c'est triste, un pas sur la piste, les langues se crispent. J'arrive en tant qu'artiste, ça me parle du mouvement salariste. Trop c'est trop, c'est trop, c'est le projet, contient zéro risque. T'as bien capté que la phrase d'après rime avec terroriste. J'ai fait trois fois le million solo, est-ce que tu réalises? Quartier libre, les enfants maintenant qui veut tricher, triche. Je représente l'Afrique, la France, l'Europe, la zique. On a trop souffert de l'ascétisme, ascétique. Vos questions stupides commencent à me taper sur les nerfs. Ces imbéciles demandent si je suis multimillionnaire. C'est fou si fou ça, mais faut savoir cirer quand ça coince. Séquence, un plan séquence, putain c'est con ça. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Et montre-nous comme t'es belle. Quand je suis l'état des lieux, je vois qu'ils sont fous de faire le zen. Et pendant ce temps, je les tabasse jusqu'à Baden-Baden. J'ai trop fait tout le film en attendant que la balle t'atteigne. Et montre-nous comme t'es belle. Je suis l'état des lieux, je vois qu'ils sont fous de faire le zen. Et jusqu'à Baden-Baden. J'ai trop fait le film en attendant que la balle t'atteigne. Ton job, ton calé au job. Ton calé au job, ton calé au. Ton calé au job, ton calé au job. Ton calé au job, ton calé au. Tu prends mon produit vite, hey, ou ta meuf est veuve. Je touche encore des rondes ma mixtape, donc j'ai fait mes preuves. Sa grand-mère à Bruce Wayne, j'ai l'âge de mon vin. Pour compter mon oseille, il faudra plus de mains. Je passe le Prado piano dans mon 4 anneaux. Tu veux un tarot sur la planche, personne t'arrange. Nous on a ramassé ta go dans le Viano. On sait ce qui passe de ta poche à ma sacoche. Ta pute te coûte un bras comme mon VVS. Oh VVS, je suis dans un jazz, Maracli vend la cesse. Dans le mini S, ton air de jazz. Je suis dans le middle, mais je viens d'en dessous comme un test. Sur s'infuse, pilule translucide comme Limitless. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Et montre-nous comme t'es belle. Quand je suis l'état des lieux, je vois qu'ils sont fous de faire le zen. Et pendant ce temps, je les tabasse jusqu'à Baden-Baden. J'ai trop fait tout le film en attendant que la balle t'atteigne. Et montre-nous comme t'es belle. Je suis l'état des lieux, je vois qu'ils sont fous de